qu'on est sur le plan matériel, ce qui se passe dans l'astral après la mort, ça ne nous inquiète pas tellement parce que, une fois que tu es mort, tu es mort. Mais lorsque l'on regarde ce qui se passe dans la mort, qu'on comprend la mort et qu'on étudie la mort et qu'on étudie les relations entre le plan astral qui est le plan de la mort et les plans systémiques astro-universels, et qu'on commence à voir les relations entre ces mondes-là, on s'aperçoit qu'il y a, au bout du terme, un tas où des civilisations plus avancées que nous qui ont le pouvoir d'aller sur le plan astral chercher des âmes et les amener dans leur monde, parce que pour eux, les âmes sont des unités d'énergie mesurables, quantifiables. Pour nous, l'âme, c'est un esprit. Pour nous, l'âme, c'est une mesure sublime. Pour nous, l'âme, c'est un je ne sais quoi vivant. Pour nous, l'âme, c'est une entité qu'on ne peut pas identifier, mais qui fait techniquement partie de nous, selon ce que l'on a entendu parler. Pour nous, l'âme, c'est peut-être un cas égyptien, cas avec un chapeau. Pour le scientifique, l'âme, c'est peut-être une quantité quelconque d'énergie, une somme quelconque d'énergie. Mais pour un être qui est en communication télépathique avec les systèmes, l'âme, ce n'est plus la même chose. L'âme devient une unité de conscience qui a une indépendance. Et cette indépendance, on lui a donné pendant l'évolution le terme de libre arbitre. Vous avez tous l'impression d'être techniquement indépendant en tant qu'être, même si vous êtes connecté à des forces de vie, à des nations qui vous régissent un peu au niveau de la forme, en tant qu'être, vous sentez quand même une sorte d'indépendance, ce qui fait partie de votre libre arbitre. Vous pouvez, en tant qu'homme, bénéficier de ce libre arbitre, donc de cette indépendance de l'âme sur le plan matériel, mais lorsque l'homme meurt, si l'âme est trop empreinte de vibrations négatives, je donne un exemple à l'extrême, un homme qui ferait du cannibalisme et qui mangerait un être humain par plaisir et qui ferait ses actes absolument débordants de négativité et qui se retrouverait après la mort sur le plan astral, il est très très très évident que cet être-là, cette âme, sera récupérée par des intelligences qui sont capables de traiter avec de l'énergie négative, parce que l'énergie négative fait partie de leur nature. Vous appelez ces civilisations les forces du mal, vous leur avez donné des noms, les forces luciférienne, les forces sataniques, mais ça, ce sont simplement des termes, des mots symboliques qui n'ont aucune valeur intrinsèque, puisque vous n'êtes pas capable, sur le plan psychique, en utilisant un véhicule quelconque, de venir en contact, voir, rencontrer ces intelligences et savoir de ce qu'elles font, quel est leur rôle, quelle est la nature de leur empire, quel est le mouvement dynastique de leur intelligence, où sont-elles connectées avec l'homme, quelles sont leurs relations avec l'homme, est-ce qu'il y a relation avec l'homme. Ce sont des questions qui doivent être un jour répondues. Le mal ne peut pas simplement être pendant des siècles. L'interprétation psychologique ou spirituelle ou mystique des religions, parce que les religions n'ont pas le pouvoir de comprendre le mal, ils sont simplement capables de l'identifier selon leurs propres affaires. Le mal de l'Inquisition a été le bien pour l'Église, mais n'a pas été le bien pour ceux qui se sont fait brûler au bûcher. Donc, même si, à cause de l'histoire, lorsqu'on regarde en arrière, même si on absout les actions des systèmes contre l'homme, le fait demeure que la raison pour laquelle certaines choses se passent sur la terre contre l'homme, c'est parce qu'il y a sur la terre des vibrations qui émanent de plans qui sont très loin de la terre, de plans systémiques qui sont très puissants et qui passent et qui se ramifient, qui descendent vers l'âme et font vibrer l'âme. Donc le mal, le petit mal que nous connaissons sur la terre, le mal de la terre, la souffrance de l'homme sur la terre, ce mal, il est beaucoup moins grand que le mal qui existe dans l'astral. Et ce ne sont pas les entités dans l'astral qui vont le dire à l'homme, qui vont venir vous le dire, parce que ça fait partie du mensonge cosmique, ça fait partie de garder les secrets. Le pouvoir ne se révèle jamais aux intrus. Pour briser le pouvoir, il faut faire une révolution. Pour briser le pouvoir, il faut déstabiliser. Pour briser le pouvoir, il faut rompre les liens. Donc, si l'homme, un jour, doit briser le pouvoir de l'astral sur sa conscience ou sur la conscience de son humanité, il faudra qu'en tant qu'individu, il fasse éclater le pouvoir de l'astral. Et comment? En étant en communication télépathique systémique avec des niveaux d'intelligence ou des plans de conscience qui ne font pas partie du monde de la mort. Bon, ce que j'appelle pour le moment une conscience supramentale, le plan supramental, ou le contact avec la source, ou le contact avec l'ajusteur de pensée. Appelez ça comme vous voulez, les mots sont absolument sans importance à ce niveau-là. Si nous avons fait un pas au niveau de la science depuis 100 ans, personne ne va dire, bon ben, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est fini, on arrête là. Ça va continuer, il y a le 21e siècle, 22e siècle, 23e, imaginez-vous ce que l'homme va faire dans 200 ans, 300 ans au niveau de la science. Mais ça, c'est au niveau de la matérialité. Mais l'homme est prêt maintenant à commencer à le faire sur le plan du psychisme, sur le plan de la conscience, sur le plan de son moi, sur le plan de la télépathie, sur le plan de la conversion objective, directe, avec des intelligences qui font partie d'autres mondes parallèles. Donc, dans un sens, la vie humaine, elle se situe sur deux plans. Elle se situe sur le plan matériel, et demain, elle se situera aussi sur le plan psychique. Et lorsque l'homme aura accès, finalement, à une pleine compréhension de ce qui se passe dans l'invisible, et qu'il aura une bonne compréhension de ce qui se passe dans le matériel, il pourra un jour faire une fusion de ces deux aspects-là, et à ce moment-là, il aura une science réellement systémique, et l'homme pourra faire des choses comme d'autres civilisations peuvent le faire aujourd'hui. Mais la psychologie évolutionnaire, son but intrinsèque, c'est pour le moment seulement, de toujours prendre conscience du mensonge cosmique. Et lorsque l'homme aura pris conscience du mensonge cosmique qui existe derrière la forme et qui fait partie substantiellement de la relation qui existe entre lui et les plans subtils, à ce moment-là, il pourra commencer à étudier la science pure, c'est-à-dire qu'il pourra communiquer par télépathie avec des intelligences qui n'ont rien à voir avec lui en tant que tel. Mais qui sont simplement des civilisations en évolution systémique, qui parcourent leur propre chemin, qui ont leur propre destinée, mais qui peuvent un jour s'unir à l'homme pour créer, dans le cosmos local, de nouvelles entités, donc de nouvelles humanités. Le problème avec la réflexion ou la pensée réfléchie que nous avons utilisée pendant l'évolution, c'est que la pensée est sans puissance. Un homme qui pense n'a aucune puissance. Pourquoi il n'a pas de puissance? Parce que quand il pense, il est obligé d'utiliser du matériel qui fait partie de sa mémoire. Alors que l'homme, à partir du moment où il s'habitue, ce qui n'est pas facile, mais à partir du moment où il s'habitue à explorer difficilement le processus télépathique, il s'aperçoit que le mensonge est toujours là. Et le mensonge est foncièrement la première frontière, la première barrière que l'homme doit dépasser pour en arriver finalement à avoir le pouvoir de la télépathie. D'abord le mensonge, découvrir le mensonge, ensuite l'homme aura le pouvoir de la télépathie. Mais il doit découvrir le mensonge parce que c'est en découvrant le mensonge que l'homme élèvera le taux vibratoire de sa conscience mentale, qu'il transmutera son âme, donc sa mémoire, et qu'il se créera un véhicule d'énergie suffisamment développé pour pouvoir finalement sortir de son corps matériel à volonté, explorer les espaces parallèles, venir en contact avec des intelligences qui font partie de ces espaces et commencer finalement à réaliser que la vie, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'humain peut penser. Mais si nous n'avons pas de psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de supporter au cours de notre vie la fatigue mentale que crée le travail de dépolarisation, nous ne pouvons pas accéder à une télépathie universelle et s'asseoir à la maison et étudier le mal, ou s'asseoir à la maison et étudier la mort, ou s'asseoir à la maison et étudier les autres civilisations, ou s'asseoir à la maison et étudier les sciences de la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans la conscience. Le pouvoir, c'est une chose que l'ego recherche parce qu'il est sans pouvoir. Rappelez-vous de ceci. Le pouvoir, c'est quelque chose que l'ego recherche parce qu'il est sans pouvoir. Si l'ego était dans son pouvoir, c'est-à-dire dans sa lumière, il ne rechercherait pas le pouvoir. Vous ne demandez pas au chien berger allemand d'être mauvais, il est naturellement mauvais. Vous ne demandez pas au Doberman de se fâcher, il est naturellement en état d'acquisition de votre peau. Donc, le développement de la télépathie, dans le sens que je le définis, non pas dans le sens qu'on le parle dans le monde, c'est l'acquisition chez l'homme de la totalité de sa conscience mentale. La conscience mentale, ça nous appartient en tant qu'âme indépendante. Et pourquoi l'âme est indépendante? Chaque fois que l'homme a une question, il devrait avoir une réponse. Chaque fois que l'homme a une question, il devrait avoir une réponse. Sinon, il n'est pas en conscience télépathique. Il est en conscience réfléchie. L'homme n'a pas à aller ni ici, ni là, dans le monde, ni sur le plan matériel, ni sur les autres plans, pour accéder à la réalité. L'homme est lumière. Il est lui-même lumière. Il n'y a aucune autorité dans la structure systémique de la conscience, qu'elle soit macrocosmique, microcosmique, spirituelle, planétaire, ou purement systémique, qui dicte les confins de la connaissance. Il n'y a rien dans la vie universelle, planétaire, astrale, éthérique, mentale, qui dicte les confins de la connaissance. La seule limitation qui existe au niveau de la connaissance, c'est la capacité particulière de toute unité de conscience de dépasser, de briser les frontières de la psychologie, donc les frontières du mensonge. Un être qui brise les frontières du mensonge, qui va au-delà des frontières du mensonge, il atteint un autre niveau de conscience. S'il continue à dépasser les frontières du mensonge, il atteindra un autre niveau de connaissance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le mensonge, c'est une condition systémique qui empêche les intelligences de savoir des choses qui naturellement les détruiraient. Parce qu'une conscience qui n'a pas la capacité de supporter l'infinité de son vide, ne peut pas comprendre la structure moroncielle de son moi. C'est normal. Vous ne pouvez pas demander à une intelligence ou à une unité de conscience de comprendre des aspects de la réalité si elle n'est pas capable de supporter le vide que crée la révélation de la science à son moi. C'est normal. Donc, le mensonge cosmique, il est important. Il est nécessaire. Une personne qui n'est pas capable d'accepter que le mensonge cosmique est nécessaire est déjà une personne frustrée par son impuissance. Par contre, le mensonge cosmique est une condition de l'évolution de toute conscience, involutive ou évolutive, qui ne peut être brisée, changée ou altérée que dans la mesure où l'homme est capable de confronter son moi, c'est-à-dire la particularité de son moi, à la particularité de son essence. J'explique. La particularité de chaque moi, de chaque âme incarnée, en relation avec l'infini, crée une tension psychique. Je vous donne un exemple. Je me prends comme exemple. Si je me regarde, moi, en tant que personne qui ne pense pas, en tant que personne qui a un lien universel, donc une télépathie universelle, quelle serait, pour un homme comme moi, l'état d'esprit qui crée une tension? Ce que vous appelez un état de conscience imparfaite, malheureuse, pas contente. Dans un cas comme le mien, c'est mon inhabilité à détruire ce qui m'oppose. Ça, c'est moi. C'est particulier à moi. Pour vous, c'est une autre chose. Pour vous, c'est une autre chose. Pour vous, c'est une autre chose. Ou ce serait une autre chose, dans des conditions similaires. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que toute âme est indépendante. Étant indépendante, toute âme a le potentiel d'être. Ce qui veut dire que toute âme a le potentiel de son propre plaisir. Être. La fameuse question d'être que les philosophes ont soulevée, que Shakespeare a fait vibrer dans la littérature des Anglais. To be or not to be. La fameuse question qui a fait frémir les existentialistes. La fameuse question qui a été mise de côté et remise dans les mains d'un autre temps par l'Église. Cette question doit être répondue. Qu'est-ce que c'est être? Être veut dire, pour une âme, avoir la capacité d'être en vibration suffisamment élevée pour avoir et sentir le plaisir de sa lumière. Si un être ou si une âme est capable, ou un ego qui est en manifestation de conscience est capable d'être en état de conscience d'être-té, c'est parce qu'il est capable de sentir le plaisir. Mais le plaisir de quoi? Le plaisir de ne pas être opposé. Le seul plaisir qui existe pour une entité vivante sur une planète expérimentale, sur un plan astral, éthérique, moronciel, mental, c'est celui de ne pas être opposé. Et vous réaliserez un jour que quand vous êtes heureux, c'est parce que vous n'êtes pas opposé. Vous ne connaissez pas l'opposition. Ramenez ceci à un état de vie très simple. Si ça va bien à votre travail, vous n'êtes pas opposé. Si votre femme vous aime, vous n'êtes pas opposé. Si votre femme ne sort pas avec un autre homme, vous n'êtes pas opposé. Si vous avez des sous pour payer votre loyer à la fin du mois, vous n'êtes pas opposé. Si vous n'avez pas des problèmes d'idéologie comme en Chine, vous n'êtes pas opposé. Être, c'est ne pas être opposé. Mais pourquoi on n'a jamais su cela pendant l'évolution? Pourquoi les hommes n'ont jamais su que être veut dire ne pas être opposé. C'est simple. Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir qui vous l'auraient dit. Si ceux qui sont au pouvoir ne vous le disent pas, qui va vous le dire? Personne. Donc, doit venir un temps au cours de l'évolution où l'homme, par lui-même, seul, le réalise. Mais pourquoi et comment? À travers quoi? À travers quel mécanisme? À travers la télépathie. Pas à travers la réflexion, à travers la télépathie. Donc, c'est pourquoi la télépathie, dans le sens que je le parle, fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, fait partie du développement de la psychologie évolutionnaire, et que la télépathie représente, techniquement pour l'homme, son lien universel, et elle deviendra de plus en plus grande, plus en plus vivante chez l'homme, plus en plus manifeste chez l'homme, au fur et à mesure où il apprendra à ne jamais subir d'opposition. Pourquoi est-il important pour l'homme de ne pas subir d'opposition? Quand je dis de ne pas subir d'opposition, je ne veux pas dire que l'homme doit aller dans la rue et se mettre en guerre avec tout ce qui est en opposition avec lui. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas interpréter ce que je dis dans un mauvais esprit, parce qu'à ce moment-là, vous créerez des situations abominables. Mais pour l'être humain, ne pas vivre d'opposition veut dire, sur le plan personnel, de sa propre conscience, éliminer en lui ce qui est psychologique, psychique, occulte, et qui l'empêche d'être. Ce ne sont pas les hommes dans le monde qui sont votre problème. Ce ne sont pas les conditions matérielles à l'extérieur de vous qui sont le problème. C'est vous-même. L'homme est son propre ennemi. Ce ne sont pas les hommes qui sont ennemis. C'est l'homme qui est son propre ennemi. Donc, si vous vivez des oppositions et que vous n'êtes pas capable de les éliminer, à ce moment-là, vous n'avez pas suffisamment de conscience télépathique. Donc, vous n'avez pas suffisamment de conscience. Donc, vous n'avez pas suffisamment d'identité. Donc, vous avez trop de personnalité. Donc, vous êtes trop programmé. Donc, la vie est plate. Il y a des gens qui disent, mais c'est long. Mais effectivement, c'est long. Comment voulez-vous que quelque chose soit rapidement fait lorsqu'il y a tellement de conflits chez l'homme? Nous sommes totalement conflictuels. Nous sommes totalement polarisés. Aussitôt qu'il se passe quelque chose dans notre vie, nous sommes émotivement dérangés. Il y a tellement de travail qui doit être exécuté, fait, pour que la transmutation avance, qu'effectivement, c'est long. Sinon, l'homme doit passer à une expérience rapide, très pénible, d'une fusion. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. L'homme est mieux d'aller lentement vers une conscience que de se faire imposer quelque chose pour ensuite en comprendre les aspects. Donc, c'est normal que ce soit long. Et il y a d'autres qui vont dire, bon, est-ce que ça va finir? Ah! Ça finit aussitôt que l'homme se décide. Si l'homme se décidait, ça finirait plus vite. Mais l'homme ne se décide pas parce qu'il est plein de conflits. Donc, la longueur du temps, c'est lui qui en est responsable. Donc, ce n'est pas aussi long qu'on pense. Mais c'est long parce qu'on a beaucoup de difficultés en tant qu'être de se décider. Mais de se décider à quoi? De se décider d'être libre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer des autres et libérer les autres. Être libre. Pour être libre, il faut libérer les autres et se libérer soi-même. Si on ne se libère pas soi-même, on ne peut pas libérer les autres. Et si on ne fait pas le mouvement de libérer les autres, on ne se libère pas soi-même. Et si on demeure dans cette situation, on demeure à l'intérieur d'une programmation et on ne peut pas découvrir les autres avenues de notre intelligence qui sont très vastes, peu communes, très présentes et à plusieurs unités. Donc, se libérer et libérer les autres, c'est un tandem. Et on a beaucoup de difficultés à le faire parce que on a besoin des autres. Mais on a besoin des autres pour de mauvaises raisons. On a besoin des autres parce qu'on a peur de les perdre. Si on n'avait pas peur de les perdre, on n'aurait pas besoin des autres. On serait simplement en relation avec les autres. C'est pas la même chose. Mais ce n'est pas une relation avec les autres que l'on vit. C'est un besoin qu'on a de ne pas les perdre. Et ça, c'est vicieux. C'est astral. Et ça demande de l'expérience future. Vous savez que la vie humaine sur la Terre, elle est très, très, très simple, dans ce sens que les hommes vivent presque tous la même chose. Il y a des nuances. Il y a des nuances entre la vie de la reine, de la princesse Diane en Angleterre et la vie d'une autre petite princesse dans la salle ici. Elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de tout ça. Mais dans le fond, c'est le même problème. Elle a le fameux problème de l'amour, comme toutes les femmes ont le problème de l'amour. Vous regardez les hommes dans le monde et techniquement, ils ont tous les mêmes problèmes. Mais les nuances sont là pour faire de la variété dans l'expérience. Les pauvres disent « Ah, j'aimerais ça être riche » et les riches disent « Ah, j'aimerais ça la simplicité des pauvres. » Il faut se brancher. Mais vous demandez un pauvre d'être riche demain matin, à cause de son inconscience, il va tout foutre en l'air. Regardez ce qui est arrivé au Lavigueur. Demandez à un riche de devenir pauvre demain matin, il aurait peur de manquer de quelque chose. Donc, on n'est pas capable de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre. Si l'homme avait une conscience télépathique, et qu'il pouvait passer à travers l'astral de sa conscience et étudier sa condition par vibration, il verrait que sa condition est très simple, que son mouvement est très simple, que sa voix est unique et qu'il n'y a aucun problème dans la vie pour lui. Donc à ce moment-là, il commencerait à bénéficier un petit peu de l'indépendance de l'âme et il commencerait à réaliser que son âme, c'est-à-dire la substance globale de son être-té, manifestée astralement, est en puissance lorsqu'elle est connectée à la lumière par la télépathie. Ça, c'est la structure fondamentale de l'évolution de la psychologie évolutionnaire. Si nous parlons de psychologie évolutionnaire au cours des siècles, nous serons obligés de dire qu'il y a des hommes sur la Terre qui sont capables d'exercer le droit à un lien universel, c'est-à-dire de parler avec des plans, des niveaux d'intelligence, libérés de la mortalité, qui sont plus intelligents qu'eux, dans le sens qu'ils n'ont pas à subir la mortalité. Donc, les effets de la mortalité, donc la crainte. Mais si l'homme ne peut pas être en communication télépathique, il ne peut pas vivre sa vie sans la crainte. Parce que la crainte, c'est le résultat de la coupure de l'âme à travers l'ego qui pense avec la source. C'est de là que vient la crainte. La crainte, c'est le résultat de la rupture avec les circuits universels. Et qu'est-ce qui rend...